Elle écrivait des mots d'amour et de foi, car elle avait 13 ans, Anna. Elle se cachait dans un grenier, Anna. Si chaud l'été, l'hiver si froid. Un horizon de quatre murs et un toit. Elle écrivait pourtant, Anna, ces mots-là. Moi, j'ai un jardin rempli de fleurs, un monde d'amour tout en couleurs, que je fais vivre en mon cœur, que je fais vivre en mon cœur. Elle avait souvent peur, Anna, en écoutant les bruits de pas, des pas qui s'approchaient trop près, quelquefois, trop près de son grenier. Anna, chante-moi. Moi, j'ai un jardin rempli de fleurs, un monde d'amour tout en couleurs, que je fais vivre en mon cœur, que je fais vivre en mon cœur. C'est par un beau matin d'été, je crois, qu'ils sont venus chercher Anna. Ils ont laissé juste un cahier, les soldats, un journal dont les mots, Anna, sont pour moi. Moi, j'ai un jardin rempli de fleurs, un monde d'amour tout en couleurs, que je fais vivre en mon cœur, que je fais vivre en mon cœur. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h, disons en fin d'après-midi, pour l'émission du mardi. Voilà tout, on a pu entendre deux chansons différentes, Fongal et puis Daniel Guichard. Et puis dans l'après-midi, on continuera avec plutôt sorte de chansons différentes. Et bien aussi, j'espère que vous avez passé très bonne matinée avec Lionel l'entendre 9h jusqu'à midi, si que vous allez le retrouver et bien, mardi prochain, et puis ainsi le dimanche matin entre 9h, non 10h, 10h jusqu'à 12h30. Et bien on continue avec les chansons, et puis je vous laisse avec le pop, et juste après le country. Good girl.

musette, il y a de l'accordéon. Ça met le cœur en fête, aux filles et aux garçons. Dans les ambiances de guinguette, il y a du soleil dans les mirettes. Que tu t'appelles Jean ou Jeannette, tous les soirs c'est la fête. La tête, l'accordéon c'est trop bon, brillons, chantons, dansons, valses, tambours, rien n'est plus beau, tu vas trouver ton Roméo, une danse, tu as tout envie, viens dans mon paradis. Laisse tomber le disco, viens t'éclater dans mon petit bar rétro, laisse tomber les rappeurs, viens te blottir dans les bras. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. sorriso ci sfiora poi, sorrisi leggeri. Eh bien, donc, c'est le Disco Italo. Et puis, juste là, on vous laisse avec Michel Polnareff. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Avec toutes sortes de chansons, je vous laisse du côté du rétro et juste après le zouk. Whispers your name, but you're nowhere in the dark. Love's gentle echo, forever in my heart. Through the endless night I roam, searching for your tender love. Oh, I feel so alone without you holding me tight. Love's gentle echo keeps us never far apart. When the morning light appears and the world from the sleep, I'll be longing for your embrace. In my dreams, where you keep love's gentle echo, forever in my heart. Love's gentle echo. Dreams, do I hold you tight? on les cliquetis, cliquetis, ça va bouger. Aujourd'hui, on va pas couper. On va découper, à découper, à découper, moi, à découper, moi, à découper, à découper. Sous la mélanger, zo garçon, alors pour mélanger, colombo. À cliquetis, cliquetis, cliquetis, cliquetis, à clacata, clacata, clacata, clacata. À pousse, ça va bouger. À pousse, pousse, ça va chauffer. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Après le zouk, eh bien, on va faire un petit tour du côté des chansons françaises. Mon ami,

quelqu'un dans le cœur et l'attendre sur un quai de gare. Dans l'idée d'avoir si peur qu'un matin la vie nous sépare. Si parfois la jalousie nous a fait faire des choses folles, c'est une preuve et c'est le prix. L'amour vaut plus que les paroles. Fidèle, je suis resté fidèle. Fidèle à elle, à ses yeux couleur d'arc-en-ciel. Fidèle, je suis resté fidèle. Parce que l'amour a quelque chose d'éternel. Fidèle, je suis resté fidèle. Fidèle à elle, à tout ce temps passé. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici du côté de l'électro et la dance. Je connais son origine de notre époque. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Voici donc, eh bien, je vous laisse avec un morceau de Franck Michael et puis juste après lui, du pop. Vive com não vive, mas aí galembra bo. Se bom que se caminha, caminha com pensa de. Se bom que se de tudo amole com ter amor. Se bom que se de tudo vive com não vive, mas aí galembra bo. Sou sous ta dédé. Loke, loke, loke, Maria e, loke d'amour. Shibo kese kamia kamia kou kesande. Shibo kese di tout dans mon écouté d'abord. Shibo kese di tout nous vivez kou non vivez. Maria e, la belle la beau. Lève ma kou me kabila laisse. Sola di bo soma. Lem la magi mano ki at nano. Shia e, shia e, shia e. Kwa wana kwa venta ni son monson. Antia wama tu kodese ni tu du changa. Gabe, gabe, gabe. Maya e, galele bo. Shibo kese kamia kamia kuke sande. Shibo kese di tu la mole kunte da bo. Shibo kese di tu du vive kun non vive. Maya e, la lem la bo. Lia shi ma kwa kwa dun dun ya e so. Lemwa ma sange e. Lemwa mo sa virande. Lemwa, lemwa vive. Une miette de vous. le nez dans mon café. Ton faux amour amène que ton joyau étrangle mes ardeurs. Moi, ça m'éreinte de devoir me battre pour espérer une miette de bonheur. Sur ma lèvre fraîche, tu pisses avec mépris. Mais si je me redresse, tu t'écris ma chérie. Le mot noir tu pratiques et de moi tu te moques. Chacune de tes critiques est un électrochoc. Alors je me déteste quand je viens rendiller un peu d'amour modeste et que je me fais jeter. Si tu veux pas changer ton regard sur moi, tu peux bien t'en aller. Je me casse de toi. Moi je n'ai écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Le soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Avec les chansons, et voici du côté du portugais, et puis juste après l'Eurodance. Melhor sabes que eu lembro de ti. Sempre que posso eu mando. Tu mandas-me também. Que bom, mandamos as dois palavras lindas a alguém. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde, mandei-te duas à noite somente para lembrar que eu te quero e lembrar-te quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde, mandei-te duas à noite. Mandei-te uma pequenina para te lembrares de mim. O dia começa melhor, sabes que eu lembro de ti. Sempre que posso eu mando, tu mandas-me também. Que bom, mandamos os dois palavras lindas a alguém. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde, mandei-te duas à noite somente para lembrar-te que eu te quero e lembrar-te quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra tarde, mandei-te duas à noite somente para lembrar-te que eu te quero e lembrar-te quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Nação beijo caira, nação, nação, nação beijo caira, nação, nação, nação beijo caira, eu sou de abraços e de brincadeira, nação, nação, nação beijo caira, nação, nação, nação beijo caira, nação, nação, nação beijo caira, eu sou de abraços e de brincadeira.

dans ma poitrine quand je suis en vitrine. J'aimerais décoller encore avant qu'on change le décor, avant de passer à la caisse, avant de glisser sous la presse. Pas toi. Avant de mourir. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et puis on reste avec le reggae, puis juste après, deux nouvelles chansons de cette année. du temps à comprendre que l'amour ne se cherchait pas. Je devais juste attendre mon tour pour te trouver toi. Je me sens si bien quand je suis près de toi sans savoir pourquoi. Comme une évidence, je sais maintenant que c'est toi. Froid nos longs silences, promesses pleines d'insouciance. L'ombre douce de vos adieux, je me souviens, c'était si précieux. Et si le temps efface les traces, je garde vos pas dans ma glace. Un reflet tendre dans l'infini, je me souviens, c'est mon abri. Je me souviens de tout, de rien, de l'éphémère au lendemain. Chaque instant gravé comme un bijou, je me souviens de vous. Je me souviens de tout, de rien, de l'éphémère au lendemain. Chaque instant gravé comme un bijou, je me souviens de vous, de vous. Di-di-di-la-la-di. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Avec les chansons, et bien voici donc les émissions qui sont pour ce soir et demain. Donc et bien vous allez retrouver ce soir à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe, avec Electric Shock. Et puis juste le mercredi matin avec Victor entre 9h jusqu'à midi. Et puis dans l'après-midi, entre 14h et 16h, Gloria. Et puis dans la fin d'après-midi, entre 18h jusqu'à 19h30, Violette. Et juste en soirée, et bien vous allez retrouver Rue d'André entre 20h jusqu'à 23h. Eh bien, on continue avec les chansons. Donc, eh bien, je vous laisse avec eux. Son las 5 en la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Oye, conocí tu novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo irrespetar. No. Je m'en sais si. bien vestida y en mil besos, pasé por tu colegio. Mon cœur a tout souffert, je ne veux plus me faire de mal. Te busqué, no te encontraba, y eso me preocupaba. Il n'y a plus rien à faire, donc tu devrais tourner la page. Pero no tenía tu número, y tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba, y le di una mirada. Con par de palabritas, tu número me dio. No. Necesita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos, pues solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte. ¿Será posible que de una obsesión uno pueda morir? Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto. Con lujo de detalles, escucha mi versión. No discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. Hey. C'est comme si, hey. C'est comme ça, hey. Ma chérie. La la la la la. Hey. Francia, hey. Colombia, hey. Me gusta. Freeze. Hey. J Balvin, hey. Willy William, hey. Me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. Freeze. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. Y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gigante? Me fue a bucher la tête. ¿Y dónde está mi gigante? Hey, hey, hey, hey. Un, dos, tres, luego.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et on suit avec le pop. Pour toi, si tu me disais que t'as envie de briller, je rapprocherai le ciel. T'auras plus à lever la tête pour prier. Je suis prête à tout donner. N'hésite pas à me dire si c'est pas assez. Pour toi, mi amore, tous les côtés de moi, je vais les briser. J'ai assez de force pour mener ce combat. Et si tu t'essouffles, je peux respirer pour toi. Je suis là pour toi. Pour toi, et je ferai tout pour toi. Et que ma voix t'apaise. Je suis là pour toi. Sur le rivage.

Allez, tous ensemble, on claque dans les mains. Venez flouser le twist avec moi. Cet air pimpant qui nous fait claquer du doigt. Un maxi couf qui fait plonger dans tes bras. Un squeezy plonge avec une voix. C'est le plombi maxi flouson de l'amour. Un pataclope en pétunia de toujours. Comme un flambi sucré salé des beaux jours. Pour nous faire danser tour à tour. Tous ensemble. Twist and twist. Vous verrez tous twist and twist. Et vous verrez tous twist and twist. Le monde entier twisté. C'est un passeport de Falzarus en arrière. Comme une bouteille en plomb biflouze à la mer. Un mégastron qui flotte encore à l'envers. Un maxi flouzeau en colère. Oui, c'est ça le flouze. C'était box en folie, des robes qui tournaient sous la mélodie. Johnny chantait l'amour et la nuit, et nous on dansait sous les néons qui brillent. Oh, les années fuient, les années dorment, guitare électrique et nuit dehors. On rêvait d'amour sur du rock and roll, le cœur en écrivait des promesses sous la lune, des baisers pleins de tendresse. Les vinyles tournaient sans jamais s'arrêter. C'était la jeunesse, le vent de liberté. Oh, les années tuent, les années d'or. Jeunesse, le vent de liberté. Oh, les années tristes, les années d'or. Guitare électrique et nuit dehors. On rêvait d'amour sur du rock'n'roll. Le cœur en fait tous les spots qui s'envolent. En couleur, des posters d'Elvis collés sur nos cœurs. C'était l'époque où tout semblait facile. Un saut, un sourire, et la vie était belle. Oh, les années twist, les années d'or. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. On reste dans le pop, mais le rock, pardon. Le rock, mais le pop rock. Et puis, juste après, un autre morceau de rock. C'est moi, je suis comme ça, Warrior, c'est moi. son sourire qui s'illumine comme un soleil quand il appelle au milieu de la nuit, quand ses pleurs me réveillent. Si tu voyais ce que ses yeux me disent, ce regard bleu qui s'éclaire dans les yeux de mon fils, il y a comme un arc-en-ciel. Les larmes après la pluie sèchent avec le soleil. Dans les yeux de mon fils, c'est comme une étincelle, un peu comme si la vie devait être éternelle. Dans chaque instant, un souvenir s'écrit d'encre émotionnelle. Mon Dieu, comment je n'avais pas compris cet amour qui m'appelle. Dans mon enfance, on ne m'a pas appris le métier d'être père. Dans les yeux de mon fils, chaque instant me rappelle que l'histoire de sa vie sera aussi la mienne. Dans les yeux de mon fils, cette chose essentielle que de donner la vie, c'était toucher le ciel. Je suis un fils du vent, du ciel, de l'océan. Mon cœur bat très fort, le pays d'Armor. Dans mon cœur bat très fort, tout le pays d'Armor. J'ai dû être pêcheur, paysan ou marin. Quand je porte en moi ce pays d'où je viens, j'ai dû courir les mers comme un corsaire malouin. Pour amener de l'or dans le pays d'Armor. Pour amener de l'or dans le pays d'Armor. De granit et de terre, de forêts, de légendes, de landes et de rivières. Il coule dans mes veines, mon âme et mon corps. Être de quelque part m'a rendu plus fort. Dans ma voix, j'entends encore tout le pays d'Armor.

Excusez-moi, vous savez où je peux trouver un parapluie? Oh fils, on est en Occitanie ici. C'est l'été tout le temps. Arc-en-ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et je vous laisse avec deux morceaux compris. When you feel like you're in love, don't just stand there. When you see that moon above, don't just stand there. You gotta laugh and dance and sing. You gotta get that gallery. When you feel like you're in love, don't just stand there. When the moon is shining bright in your Saturday night, you're not having any fun, and then maybe you're out with the wrong one. When you feel like you're in love, hold her tighter. And the moon and stars above will all shine brighter. You gotta laugh and sing. You got to get that gallery. When you feel like you're in love, don't just stand there. Just stand there. When you see that moon above, don't just stand there. You got to laugh and dance and sing. You got to get that gallery. When you feel like you're in love, don't just stand there. When the moon is shining bright in your Saturday night, you're not having any fun. Then maybe you're out with the wrong one. When you feel like you're in love, hold her tighter. And the moon and stars above will all shine brighter. You gotta laugh and dance and sing. You got to get that gallery. When you feel like you're in love, don't just stand there. Prince pulled up a white pickup truck. Her folks should have seen it coming. It was only just a matter of time. Plenty old enough, and you can't stop love. She stuck a note on the screen door. Sorry, but I got to go. And that was all she wrote. Her mama's heart was broke.